va arranger ça. Tu es à corniche à travers la lucarne, les dents ton cul s'acharnent à te péter les miches. Même pas le temps de nous voir que déjà on te touche, usant de nos cartouches comme de suppositoires. On enchaîne les HS avec plus ou moins de boules. Avant tu te la jouais cool, maintenant tu serres les fesses. Les chemins mènent plus à Rome, et à ton derrière, douleur au sphincter, te demande pas où nous sommes. Non, bah t'as du mal regarder. Mate un peu au fond à gauche, derrière la caisse, y'a sûrement Maz. Comment, ça te chatouille? Sûrement Glom ou Todd qui te les chouille. Mais non, chable rush de fou, ça c'est le brother Pierre. Avec comme d'hab, dose la pute juste derrière. Ah, t'as pas vu, t'étais flashé. Pardon, ça c'est Bob, désolé. Et si en passant middle, tu te fais sniper? Spécial dédicace, tu fais d'Alizé. Pour conclure, je crois que t'as compris. Si tu te retournes, ben, tu seras pas surpris.